au challenge de Jane plus tard en soirée et cours la chance de gagner un souper avec la mannequin Dream Girl 2013 de ton choix. Pis gars, si ta blonde veut pas que tu viennes, dis donc que t'es au bowling. Le 7 octobre 2013 à 17h30, le gros show revient au théâtre Le Périscope pour une toute nouvelle émission. Joignez toute l'équipe sur place ou écoutez la retransmission en direct sur les ondes du 89.1. Le gros show, l'émission qui fait le plus parler à Québec. Seulement au 89.1, la radio authentique. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, une émission sans dessus-dessous, toutes sortes de trucs un peu à l'envers, toutes croches. J'avais trop d'inspiration aujourd'hui, ça passait donc d'un style à l'autre. Beaucoup de trucs, donc, comme à l'habitude, en téléchargement gratuit. Donc, s'il y a des pièces qui vous intéressent, vous avez juste à aller au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir, donc, retrouver toute la liste des pièces entendues à l'émission. Vous allez pouvoir télécharger les pièces et les albums au complet de façon gratuite et légale. Donc, cette semaine, on commence avec Bloody Romero, un artiste, j'ai pas beaucoup d'informations, un petit clin d'œil à George Romero avec ses films de zombies, c'est la pièce Rise Up. Ensuite de ça, c'est Widespread Panic, ça aussi, pas beaucoup d'informations, tout ce que j'ai pu trouver sur Google, c'était un genre de band folk, donc ça donne plus dans le dubstep, vraiment différent, donc je vous fais entendre la pièce Roofies, donc c'est ça, ça va être c'est la pièce Roofies, tout de suite après Rise Up de Bloody Romero, on commence Web Musique avec ça tout de suite. many pills you took. Pills you took. The doctor said I had something wrong with my brain and I'd have to see a specialist. C'était Widespread Panic avec sa pièce Roofies, tirée de son album Destruction Manual, donc un album qui porte très bien son nom. Un peu de dubstep vraiment brutal qui nous vient de Crash Records. Avant ça, c'était Bloody Romero avec sa pièce Rise Up, tirée de son album Jazz avec plein de Z sur l'étiquette Pickpack. On poursuit avec Subbase qui est sur l'excellente étiquette Shramaka. C'est une étiquette qui se spécialise surtout dans le drum and bass, un peu de dubstep, des trucs un peu dans ces eaux-là. Donc on va entendre Subbase, je vous fais entendre sa pièce Game Over. Ensuite de ça, une pièce pas mal plus tranquille, un peu mystérieuse sur l'étiquette japonaise Mimi Records. C'est le duo Vicente Marjamaki avec leur pièce Cluster. Vous allez voir, vraiment complètement différent de la pièce que vous allez entendre tout de suite. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, ben, c'est ça, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez Web Music. une pièce, tout ce qu'il y a de plus hypnotisant, donc une accumulation de boucles. C'est fait par le duo Vicente Marjamaki. C'était sur l'étiquette japonaise Mimi Records. La pièce s'intitule Cluster. Avant ça, c'était Subbase avec sa pièce Game Over sur l'étiquette Shramaka. On poursuit avec R.D. Quester sur l'excellente étiquette Faite sur Net Recordings. On entend la pièce Atreid. Change. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. 89.1. Regarde la mère comme elle est contente. Regarde comme elle rit avec ses petites dents blanches. Je veux léguer la mère à mon fils. Lui donner l'orgueil de sa lignée. La mère ne change pas. Elle était là bien avant nous et bien avant moi. Le Théâtre Sortie de Secours de Québec, le Théâtre de la Vieille 17 d'Ottawa et le Théâtre du Nouvel Ontario de Sudbury vous présentent la pièce « Quand la mer », un texte d'Esther Beauchemin, mise en scène par Philippe Soldevilla, au Théâtre Périscope du 17 septembre au 5 octobre. En 2013, CKRL a 40 ans. Merci de nous avoir témoigné tout au long de l'année votre grande fidélité. Maintenant que 2013 tire à sa fin, c'est à notre tour de vous gâter. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des Matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Est-ce que je peux gagner le 11 octobre? Oui. Le 3? Oui. Le 28? Oui. Le 19? Ben non, c'est un samedi. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200 $ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Tout juste avant la pause, on entendait donc Hardy Quester avec sa pièce Atreide. C'était sur l'étiquette FatureNet Recordings. On poursuit avec un artiste sur l'étiquette PicPac, c'est de Mechanical Mass. Je vous fais entendre la pièce Follow de Space Renovation. Vous allez voir, j'espère que vous avez l'oreille très solide. C'est du madcore vraiment brutal par moment. Il y a toutes sortes d'influences. Cette pièce-là m'a complètement éclaté cette semaine. J'arrête pas de l'écouter. Donc, vraiment assez incroyable comme pièce. Ensuite de ça, sur Phonocake, un groupe, plutôt un duo que j'adore, c'est de Fucked Up Beat, qui prennent des échantillonnages de vieux jazz, mixent ça avec un peu de musique électronique, ça donne toujours une ambiance vraiment spéciale. C'est une pièce, donc la première pièce sur leur album de Situationniste. Je vous dirai pas le titre de la pièce parce qu'ils ont... Ils ont comme la fâcheuse habitude de faire des noms de pièces qui sont tellement longues que ça n'a juste pas d'allure. Donc, je vous dis, c'est seulement la première de l'album de Situationniste, The Fucked Up Beat. On écoute ça tout de suite après de Mechanical Mass. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre The Fucked Up Beat. Donc, c'est un album publié sous l'étiquette Phonocake. L'album s'intitule The Situationist. Je vous invite à le télécharger. Vraiment excellent. C'est comme un film noir, donc avec les yeux fermés. Vraiment excellent. C'est ma recommandation de la semaine. On poursuit avec un artiste sur Sirona Records, une étiquette française, je pense, qui sont rendus à plus de 600 albums en téléchargement gratuit. C'est Dacta, je vous fais entendre sa pièce « And I Swear We Was Infinite ». Ensuite de ça, c'est Il Paz, un peu de rap, donc en arabe, la pièce s'intitule « Alao Al-Kafi ». We'll be right back. تبوي المكتوب ما حدا نازل معي بقابل بالمشروب يعرض الغابة تعي فهميني لأني شكلي بطلت أفهم شوفوني واحد تاني يكون أذكى مني أفهم شكلي عم بحلم وإنه ماركس هلس أسلم نفسي بمثال زيه بالتحرير أسهم واحد أعلم بس وبالمصاري أكثر مش أكثر من وضعي لا أنا الوضع أعلم لازم أمحيكم كلكم عن هاي الساحة لأنكم بدون كتلة بس مخدي مساحة هذا الترك الأول رح أبلش الإطاحة الراب طويلة روس عالية تبحث عن فصاحة سطرين ثلاثة مني بتقلبوا عطوركم زي لما يجي أول مرة بتزبطوا أموركم أيوة بقذف بصم للأذان بس بطفي الموسيقى وقت الأذان دائما بطف حقيقة حتى لو ما كان تسجيل تسجيلاتي قليلة فيش مكان لك تسجيل عدم وجود أموالي بجيبي ما بيسمى فقر لأنه العلم بحد ذاته بشد الظهر زي تدريبات الشاطين في أعالي التبت كنت زمان أحترم الجميع بس هلا تبت لأنه الاحترام أغلى من اللي بتعبدوه لا لا مش عم بكفر بحكي عن الدولار انسدوه الباس بطير بشوف بسطاب فرائي السهلة مش بقدرش اسطاب طرائب بس انتو رؤوسكم ضحني مجال كلامي اوسع من مغانة تسلا سيبوا الباز براسه ايوة ابعدوا لا تحلى بلغي من كلام عشرة ما تفهموا وتبقعوا كآلي حادة مقطع الحرير اجمعوا انفسكم في طبقات عشان اجرب حلبة زرعتكم مستنبت فالفكر بدون مداني خالي فكر تجاري بتنتشوا لا تكتبوا طلاسم شيطانية بتخنوا بدون ما تفهموا السين طلعت ريحته بالمدانة صارت ظاهرة الاغنية راحت عششون مش كم كلمة عابرة عاهرة فتحوها للتجارة بيرخصوا فلسطين الاغنية في بيت دعارة مني وعلي انفت هالكلام الفاضي وبكونش انسان مظبوط اذا كنت فيكم راضي انتو زي السلطة صعب تمثلوا حد شريف وانا تحت ارضي مقاول سجل كله نظيف لعب كل فنان تحت ارضي زيه عم بزرع كيان كامل كلامي بيعمل عريه احتكروا المصاري والشهرة بالنا الحقيقة هون في مولود جديد وانتو حتكونوا العقيقة احتكروا المصاري والشهرة بالنا الحقيقة هون في مولود جديد وانتو حتكونوا العقيقة عقيقة انهو الخط السئم من دفاهاتكم انهو الخط يتحرق لكم التراكاتكم انهو الخط يتاخل يكسر هاداتكم انهو الخط C'était Il Paz avec sa pièce Alao Al Kafi. C'était précédé par Dacta avec sa pièce And I Swear We Was Infinite. Sur ça, c'était sur l'étiquette. Attendez un peu. Je me souviens plus. Donc, c'est ça. Ça va être déjà tout pour Web Music. Si vous avez apprécié les pièces, rendez-vous sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusic.ca. On va se quitter sur deux pièces. La première de King Shi, c'est The Fusion. C'est sur Dusted Wax Kingdom. Tout de suite après, c'est Optimus Prime avec la pièce Sorry, un peu de musique à saveur Bollywood. Tout de suite après, donc, c'est Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé. Donc, restez à l'écoute de CKRL pour plein encore de bonne musique à l'antenne.